Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs.